maman, ils veulent me voir monter. Ils veulent me voir seuler. Mais j'ai mon bébé, mon soleil. Elle m'a connu, je zonnais. Pas de traite, pas de folie. La peur me console. Et quand je m'éteins, ils sont affolés. J'suis pas là, désolé. J'suis pas là, désolé. Personne, je vais coller. Le vrai pour m'épauler. J'suis le même, tu me connais. Ils ont la haine, c'est pas beau. Pour des mieux qui se tiennent à carreau. C'est la vie, personne n'y fait de cadeau. Mais j'suis qu'une étoile, brille là-haut. Ouais, mon fou, maman, maman. Mon fou, maman, maman, maman. Mon fou, maman, mon fou, maman. Mon fou, maman, maman, maman. Mon fou, maman, maman. Mon fou, maman, maman, maman. Yeah.